Le journal London Simon a inséré le 28 octobre l'écrit d'un commentateur titré « Vérité de la sanction des États-Unis et de leurs suivistes contre notre République ». En voici le résumé. Les États-Unis et la bande de Bakouné parlent bruyamment d'une sanction ultra dure sous prétexte de nos forces armées nucléaires très développées, mais ce n'est qu'un délire. Les forces hostiles, y compris les États-Unis, mettent en cause notre essai nucléaire, notre essai de lancement de fusées balistiques et notre lancement des satellites, mais les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres pays soi-disant développés y ont procédé avec l'esprit de rivalité depuis longtemps. Si les États-Unis et la bande de Bakouné s'attachent obstinément à la sanction, contrairement au courant général, ils ne connaîtront qu'une ruine définitive.